Aketo, Saiko, Akiz, 95, Kouz. Ouais, c'est Paris Nord. Cracheur de venin. Je crache mon venin. Hey yo, claque tes doigts, hop la rote cabento. Tu fais ton stock, ma, mais plus c'est grand et plus ça tombe de haut. Oh, Hendex, c'est pas un poteau. Derrière les beaux sourires, toujours une Nutella, banane, coco. Sur ton œil, un coca spectaculaire. Tu veux claquer ton RMI sur les boulevards circulaires. M'en bats, t'aimes pas les choses simples. Sors du pot, la goutte d'or noyée dans une bouteille d'absinthe. Ah, tu fabules des rappeurs qui braquent, mais qui ne tapent que de ton à l'huile. Tu vas payer cash et plein pot. De tomber en cloque d'un multirécidiviste, pas de peau. Accro, pulsion prélétique, croise neck, balle atomique, quasi squelettique. Je t'invite à balancer ton sein, car c'est soit tu craches ton vin, soit tu fermes ta grande gueule. Allez, je crache mon vin, j'en ai plein la bouche, plein les veines. Le pic qui assassine quand la lune est pleine. Paris Nord, les ordures débordent de la peine. Les pieds sur terre et la tête pleine de stratagèmes. Allez, je crache mon vin, j'en ai plein la bouche, plein les veines. Le pic qui assassine quand la lune est pleine. Paris Nord, les ordures débordent de la peine. Les pieds sur terre et la tête pleine de stratagèmes. Moi, c'est simple, je m'en bats les couilles d'être artiste. Je reste vrai, question d'éthique. Je m'en bats les couilles si tu critiques. Je m'en bats les couilles du rap game. Je m'en bats les couilles d'être une star. Je m'en bats les couilles du showbiz. Et de ces soirées au plein bar. Je m'en bats les couilles car moi, je reste fidèle à moi-même. Je me distingue par mon style, de la zik à ma dégaine. Des classiques au vislé. Karimco est le même. Un petit bonhomme débrouillard qui dans sa tête a des problèmes et qui voudrait partir loin et pouvoir changer d'air. Mais je suis parti nulle part. J'ai changé d'heure. Je me suis tapé des grosses barres avec des gros sauts d'humeur. La vie une grosse sodomie, que ce soit ici ou ailleurs. D'ailleurs, celle-ci, c'est pour ceux qui cassent les rouleaux. Qui cassent le sucre sur mon dos et disent être mes potos. Eh hey gros, faut que t'arrêtes de me casser la tête. Je suis venu cracher mon venin pour la tape de ta guerre. Allez, je crache mon venin, j'en ai plein la bouche, plein les veines. Le pic qui assassine quand la lune est pleine. Paris Nord, les ordures débordent de la peine. Les pieds sur terre et la tête pleine de stratagèmes. Allez, je crache mon venin, j'en ai plein la bouche, plein les veines. Le pic qui assassine quand la lune est pleine. Paris Nord, les ordures débordent de la peine. Les pieds sur terre et la tête pleine de stratagèmes. Chacun sa merde, laisse-moi kicker la mienne. Faut que je balaye devant ma porte, mon pote. Faisant de même, je porte un lourd fardeau sur mes petites épaules. Je me traîne un tas de défauts. C'est pas des petites bricoles, c'est pathétique, rigole. Fais-toi plaisir, j'ai le premier rôle d'une comédie dramatique, pathétiquement drôle. Anti-héros, c'est plus Aquette avec un O. J'suis pas le one, c'était pas vrai. C'est Aquette avec un zéro pointé. La vérité, je veux lui démonter les mythes. J'pourrais vanter mes qualités, me faire une branlette sur un ego trip. Mais j'ai donné, j'en redonnerai encore. C'est juste l'humeur du jour et je reconnais quand j'suis en tort. Toujours aussi contradictoire et les gens comprennent pas. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, c'est plus compliqué que ça. Dans mon couplet, j'kick ça. Du venin dans la glotte, mal au serre, un effet ralgant dans la flotte. On a des vies à faire, le rap c'est fun, mais je me vois pas faire des pitures pour les gosses à 40 piges, c'est jeune. On veut les thunes, on va croire le contraire à personne. Ils veulent des tubes, c'est pas sur commande que ça fonctionne. Ils veulent mon cul, mais c'est mon bullshit que je leur donne. Ils veulent mon dû, dès qu'ils le peuvent, ils te ponctionnent. Je deviens limite haineux, je suis un grand migraineux. C'est pour les petits teigneux, enfoiré quitte les lieux. Le rap asique, or ça y ma clique, un truc unique, précieux. Ma seule limite, les cieux, j'envoie des pics, messieurs. Je t'en fais voir toutes les couleurs et ça pique les yeux. C'est dit Omar, ça y colle l'équipe, enfin des types, c'est. Allez, je crache mon flingue, j'en ai plein la bouche, plein les veines. Le pic qui assassine quand la lune est pleine. Paris Nord, les ordures débordent de la peine. Les pieds sur terre et la tête pleine de stratagèmes. Allez, je crache mon venin, j'en ai plein la bouche, plein les veines. Le pic qui assassine quand la lune est pleine. Paris Nord, les ordures débordent de la peine. Les pieds sur terre et la tête pleine de stratagèmes. Allez, je crache mon venin, j'en ai plein la bouche, plein les veines. Le pic qui assassine quand la lune est pleine. Paris Nord, les ordures débordent de la peine. Les pieds sur terre et la tête pleine de stratagèmes. Allez, je crache mon venin, j'en ai plein la bouche, plein les veines. Le pic qui assassine quand la lune est pleine. Paris Nord, les ordures débordent de la peine. Les pieds sur terre et la tête pleine de stratagèmes. Tu veux l'un plein la bouche, tu veux l'un plein les veines. Ah, la tête pleine de stratagèmes. La peine.